Again, thank you, musician. About the dance. Je dois dire que la soirée est bien arrosée. Je dois apprécier la compagnie de mes amis. Mes déchets. Don't forget. Anybody dance on the volcano if you are not here. À quelle heure on doit arriver demain? Est-ce que tu as prévu quelque chose? Without you. Your place. Don't forget your place. Somebody needs somebody. Sounds able to share it. To love. I could leave with or without you close, 'cause I got you. Demain. under my nose. Got you. Tu me rappelles under demain, my... alors que je suis aujourd'hui. You know I got you. Under my root door. Juste après ma box, yeah, you. I got you. Thank you. Under my box. Behind the server. Est-ce que tu savais, toi, Yann, que Jill, c'était notre voisin? Oh. Est-ce que tu savais qu'il avait un pull qui sentait la moulin? Tu savais qu'il avait pas perdu, qu'il était jamais game, bro. Tu sais pas qui pull, tu sais pas qui till. Game over. Game over. Non, c'est pas. Sometimes you have to say when it's, whenever it's over till. You know it's till over. Till the night, till the jam is over. Till il est de Bordeaux, il est très loin de chez nous, poteau. Nous on est à Saint-Go, quand on est à Saint-Go, on voit la Garonne petite. Des fois on lui montre notre hic et on fait pipi. C'est l'eau que tu vois de chez nous. On pourrait prendre, on pourrait venir en radeau à Bordeaux. Si jamais on était en radeau, est-ce qu'on amènerait Arco? Moi je suis pour poteau. Qu'on descende en radeau avec Yann le pirate, le flibustier, celui qui a pas envie de se laisser emmerder. Tu qui a pas envie de se laisser. We are so terre, mais on n'a pas mis pied à terre et on est prêt à coster, on est prêt. Bande de flibustier à terre, on n'a pas mis pied à terre et personne d'entre nous n'est atterré. On a tous la gueule et la marmée. Si on sait plus qui on est, tant qu'on s'accepte et qu'on le sait. Mais parfois pris dans le typhon, tant qu'on accepte et qu'on est prêt à aller plus loin, à voguer, aller voguer, voguer, voguer. Qu'est-ce qu'on a? Notre horizon c'est Bordeaux et voguer. Faudrait penser à border nos idéaux. It's a ninja session. Pour les fonds qui se présenteraient, j'ai pas d'histoire. Pour les siphons qu'on siphonnerait, pour tous ceux qui auront des pistons. Bordeaux. Sur le chemin c'est plutôt les écluses qui m'effraient. Et les c'est le canal du Midi, c'est pas où est-ce qu'on arrive, c'est fini. On s'éloigne de Bordeaux, on s'éloigne de Till. Oh, over. I need the game over. Over Till. Till the jam is over. You know I don't like to say when it's one again. I'm looking over your shoulder now. When will you go to the when take the fight to the border? Worldwide. Dear sister, flute, I recall, flute, I recall. Why don't you wake her? Even when I sleep, I just from UK, yes. is cold like a stone. He is stew, just like stew. Cold, sister, stew. He's always ready. Got the groove, oh brother, brother. I believe, won't you please? I got it, brother. You okay? Brother, my brother, won't you? Oh, I love dark delight. Even when I sleep, imagine my day on the board. It's growing how high. Oh, what you need is all but the light. At the end of my day, it's groovy, my brother. Got it. I just walk. Even when I sleep, I just much. What I need is over till what I need is walk like on the baseline. I need to walk like on the best line. I need to rock like on the best line. Rock like on the bass. Rock like on the bass line. Rock like on the bass line. About to listen to me. About we got the funk, we got the beat, we got the song, we got the weed, we got the friend, we got the crew of the end, we got the E, no the when, no matter who, when it's when, we got the crew, no matter who, we are the band to listen to you, to Chini AI, to IA. No man, yo, got the. C'est l'interaction. We are la situation. C'est ça qui nous intéresse. To you, oh. We got the crew. No matter who. C'est ça qui nous intéresse. You are when now. It's a power. L'interaction of the people, je ne sais plus, able to in make situ, noise, je ne sais able plus, to make j'étais sound, in bibo, mais pourtant, sing, on est là derrière in vitro, in situ, je ne sais plus, si je suis, je ne sais plus, je me plains, je ne veux plus me plier. Je suis dans le vent, auto-entrepreneur décevant. Je suis pris par mes tourments et je suis free. Oh, je suis free. Jeter quelques ingrédients comme ça. Oh. Quel bordel maintenant, je me plie et comment? Go, go, on, please, keep. Comme Arco. Arco, we are all waiting for you. Come on. No, please, play. Note number one. everything in its right place. On l'attrape comme on peut. Dans une ville jam session. Shape for weeks. I've been drawn into your magnetar pit trap. I wish I could eat your cancer when you turn black. I got a new complaint. Forever in there for your priceless advice. Your advice, eating orchids, forgive no one just yet. Get my salon and of hair and bed and a baby's breath. Broken hymen of your highness. I'm left black. Throw down your umbilical noose so I can climb up right back. Wait, I got a new complaint. Il manque une basse. Need some more weed to roll the last two sticks, and then I'll be cool. Okay. It's your play. Allez, je roule deux buzz, et après je vais me coucher. Je fais pipi, je roule deux buzz, et je vais me coucher. Donc restez là, mais c'est bientôt la fin. False alarm, I'm still near, I have to pee. I'll go pee, and I'll be right back. BRB. When for two. Chopin à l'improviste, c'est ça. Instant. La capacité à créer une situation. Encore être un peu maître de la situation, pas trop écrasé par l'environnement, plus ou moins social, familial, professionnel, sans quoi mon ami je te dis, nous sommes perdus. Certains se rient de la situation posée. Tu le sais, tu le sens, tu consens. Déjà demain, presque demain, nous sommes déjà perdus. Depuis longtemps que la situation t'a échappé. Demain, je souffle des bougies. Joyeux anniversaire en avance, paraît-il que ça porte chance. Comment paraît-il, on dit. Reprends le contrôle sur la situation. Fait que le futur soit juste un mulet, le futur un mulet qu'on pourrait choisir de ne pas attraper en flânant, en regardant. Ah, j'y étais. Deux pieds dans l'herbe à 4h du matin comme Arthur. À la télé. Y'a le MEDA qui va commencer vendredi à la télé. On pourrait peut-être. Je sais pas si tu sais. Rallumer le futur. À la télé. Finalement. Y'a le MEDIA. N'est-ce pas notre instant. Pour la première fois, il va y avoir une télé de gauche, de quoi. Sur la télé, sur la TNT, sur C-Box. Elle s'appelle le MEDIA. Est-ce que t'es au courant de ça? Toi-même pas? Non. On dirait pas. Pas du love à la télé. Sinon tu dirais pas ça. Pourtant. Je m'en fous. Non, il y a le MEDIA. Le MEDIA, t'as pas vu ça vendredi? C'est une nouvelle chaîne. Me rabougrir, me refermer sur mon égo trip peut-être, mais jamais trop longtemps. La terre promise, le paradis. Allez, une petite date, allez. Moi, je suis en fille là, au cas où. Demain. Tiens. Voilà, demain, demain. Il y aura des terres promises. Il y aura des lendemains. J'oublie les anniversaires de tout le monde. Pourquoi ? Putain. J'oublie les anniversaires de tout le monde. Parce que sûrement ma mère oublie mon anniversaire. Tu restes qui tu es. Systématiquement à ton intégrité, ton interaction, système, macro, tu les rêves, elle aussi. Ouais. Grâce à mes ancêtres situationnistes des années 70, putain, on a un gros acquis. Able to make a situation. Coupable. Position. C'est cruel. Organisé, bien poli, très lisse, trop lisse, qui veut mettre en avant valeur humaniste, mais quelques difficultés pour l'appliquer à tout le monde. It's in your head, it's in your Everybody, everybody, everybody. Leave somebody. Excuse everybody. Me, I need to go. Somebody to know. In this paradise. Everybody needs a zombie to love. A zombie to love. Everybody. Everybody. And some. Formidable avec Yann. On a déjà été formidable. Et demain. quand chacun cédera ses droits. Pas d'accession, pas d'héritage, c'est la solution. Pas de capitalisation, non. Pas de loterie, pas de loterie. Fragile. Si on ne parle plus jamais de méritocratie, pas de passe droit, rien. Toi seul avec l'État, c'est ton contrat. Toi, toi, propriété, c'est toi. Que tu feras une hypothèse. Toi, toi, lancé. Contrat. C'est la propriété. Ou de l'État, je sais pas quelle épine privé ou État, je sais pas quelle épine. Quelle épine de caride en Scylla, je ne sais que faire, je ne sais que choisir. Lâchez-moi les basques, bande de bâtards. Putain, le système existait bien avant, j'ai fait de la socio, j'ai compris. Si tu te contentes when pas me. De peu, aussi peu qu'on te donne, je te comprends, parce qu'il y en a marre qu'on donne aussi peu, c'est dégueulasse. We need to be. Sorry. Ah, c'est moi. Oh yes, I know you need to restore your rhythmatic system. Like I need to restore my rhythmatic system. Thank you. yo now. Fuck it. Turn it off. Fear is your only God. Turn it off. Je serai présent pour ce. Il me faut déjà présent. Penser. Le fort. A des moyens me de te rejoindre, de te retrouver plus concrètement. Un tel. Mon plus grand cadeau de conscience. Tu le sens. Mon plus grand cadeau sera une force magique. Tu le sens depuis le temps. C'est pas qu'il soit content. À quel point? Te quitter pour l'instant. À quel point tu le vois, tu le sais, tu sens, tu pressens mon cheminement. Aucun pourtant le manque et l'envie sont présents. Il est 23h, même pas, et c'est pourtant l'heure du glas. Crois connaître l'heure de la dernière belle faillite. L'heure du dernier mot, du dernier trait. Alors que tu tressailles, je tressaille. Ton dernier bon mot. Et il y a déjà une batterie au rabais pour me remplacer. Wow, wow. Mais non, c'est Jonep. Yo, oh Jonep, Hawaii, yo. Major Tom, ouais. To Yan, Major Tom, To Yan, Major Tom, To Yan, do you hear me? Copy, Roger. Because it's gonna be your birthday tomorrow. I will play. I just stop. Moi j'arrête, il faut aller se coucher. Demain, est-ce que tu travailles? Mieux encore, après-demain, est-ce que tu travailles? Est-ce qu'il y a tes gamins? Est-ce que je vais pouvoir dormir sur le canapé ou bien avant de quitter Préquel et les copains pour ne pas voir la déchéance et la bêtise en train de nous bouffer? Moi je vais simplement me libérer, moi je vais simplement me libérer, bouffer, moi je vais simplement me libérer au lieu de les voir se bouffer, bouffer, je vais simplement me libérer, bouffer. Au lieu de les voir se bouffer, ça s'impose libérer. Au lieu de les voir se bouffer, moi je vais simplement me libérer, tu sais. Sans effusion, moi je vais rien dire, mais s'il faut aller à Swesh pour jouer, pour avoir un set, moi je me propose d'en avoir un ici et en deux jours, le sunset avec le light et tout, ouais. Je suis content, t'entends, le nombre de jours qui jonchent le sol. Le sol. Docteur. Je sais pas dans quelle mesure on est en synchro, mais c'est cool. Même pas le septembre. Moi je suis content. T'es en fibre? T'es comment? C'est un pas le septembre. Qui jonche le sol. Qui nous attend comme d'habitude. C'est un sec. Un sec. C'est un qui ton amoureux. Qui est cet ange? Ton le précieux. Qui est cet homme qui